Putain, elle est trop bien, hein. Bah ouais, elle a que 227 km. Vas-y, viens. Bah, tu vas doucement, hein. Wow, la vache, elle arrache. Ouais, doucement, je t'ai dit, l'eau. Et t'as de la musique, là? Doucement. T'as des what? Bah, ouais, regarde, t'as un nouveau autoradio. Tuné à triple pot catalytique, j'ai mis des housses en peau de bébé et un porte-canette pratique. J'ai rabaissé tout mon châssis pour gagner des kilomètres. L'inconvénient, c'est qu'aujourd'hui je passe les dodanes à 2 à l'heure. On est les pros du joint de culasse, du démarrage fulgurant. On use jamais nos godasses, on se déplace jamais en marchant. Plus aucune marque d'essuie-glace n'a de secret dorénavant. Pour nous les gars qui avons de la classe, parce qu'on n'a pas d'autre argument. Twingo 27, soupape RDS Dolby Stéréo, j'ai fait monter une housse en yak et des néons laser fluo. Je fais collection d'autocollants sur le pare-brise arrière de la bagnole. Tu vois plus rien, c'est pas gênant, je me repère au son des klaxons. On est les pros du joint de culasse, du démarrage fulgurant. On use jamais nos godasses, on se déplace jamais en marchant. Plus aucune marque d'essuie-glace n'a de secret dorénavant. Pour nous les gars qui avons de la classe, parce qu'on n'a pas d'autre argument. Dans ma 4L GTI, décoré comme une Subaru, t'as fait monter des pneus ralliés. Maintenant je consomme 15 litres de plus. J'ai de la moumoute sur le volant, un gyrophare sur le tableau de bord. Et pour conduire tu mets des gants, c'est pour me donner un style Cador. Les pros du joint de culasse, du démarrage fulgurant. On use jamais nos godasses, on se déplace jamais en marchant. Plus aucune marque d'essuie-glace n'a de secret dorénavant. Pour nous les gars qui avons de la classe, parce qu'on n'a pas d'autre argument. Tout simplement.